Chapitre 16e. Le maître de Lislewood est réintégré dans ses droits. Le complot dont le candide Gilbert Arnold avait fait confession ne fut jamais porté devant la justice. Sir Lancelot Lessel ne fit aucune tentative pour disputer les prétentions du jeune homme blond et pâle, qui était ressuscité comme d'entre les morts, pour venir réclamer l'héritage de son père. Les avoués de Sir Lancelot secouèrent la tête d'un air incrédule en entendant la confession de Gilbert Arnold jusqu'au moment où ils s'aperçurent que cette confession était confirmée par le témoignage de la mère du jeune homme, que son instinct maternel ne pouvait tromper et que son caractère mettait au-dessus de tout soupçon, et plus tard, par des faits qui aidèrent considérablement à prouver les assertions de l'ancien garde de Lislewood Park. Les docteurs de l'hôpital Saint-Georges se souvenaient parfaitement d'avoir, 14 ans auparavant, donné des soins à un jeune garçon âgé d'environ 5 ans, dont la vie avait été en danger pendant 3 longs mois, par suite d'une congestion cérébrale, causée, ainsi que l'avait déclaré l'homme qui l'avait amené à l'hôpital, par une chute de cheval. Il n'y avait personne dans l'établissement qui pût se souvenir quel était l'homme qui avait amené l'enfant à l'hôpital et donné son signalement. Mais une des gardes, confrontée avec Gilbert Arnold, le reconnut aussitôt pour être celui qui avait emmené l'enfant après sa guérison. Elle se rappelait son visage, dit-elle, et elle se rappelait aussi sa voix rude et ses manières étranges. Elle l'avait appelé brute parce qu'il maltraitait l'enfant. Cette garde se souvenait aussi que l'enfant avait l'habitude de parler de sa belle-maman et du parc, mais qu'elle ne pouvait se souvenir de quel nom il appelait le parc. Mais c'était quelque chose, parc, et qu'il s'appelait lui-même sœur je ne sais quoi, et disait qu'il était baronnet. Le petit baronnet, comme disait son papa. Mais elle ajouta que tous les gens riches avaient de ces fantaisies, et comme l'homme qui avait amené l'enfant avait averti les gardes de ne pas faire attention à ce qu'il disait, car il avait toujours été un peu singulier, elle avait accordé fort peu d'attention à toutes ces paroles étranges et fiévreuses. Claribel pleura amèrement en entendant cette femme raconter ces détails au comité d'enquête assemblé dans l'étude du notaire. Elle se souvint des longs jours et des longues nuits d'angoisse pendant lesquelles elle avait pleuré la mort de son fils et que pendant cette terrible agonie, il était resté couché dans un lit de lit d'hospice, soigné par des gardes, resté sourde à ses plaintes et incrédule à ses récits. Pour plus d'évidence encore, Gilbert Arnold produisit les vêtements portés par Sir Rupert le jour de son accident. La mère reconnut la petite tunique de velours tachée de sang et de chaux, le chapeau déchiré avec sa plume brisée, et jusqu'aux cheveux de l'enfant coupés par la main inhabile du garde avaient été conservés pendant 14 ans en taux de feuilles de papier épais. Les preuves soumises à Sir Lancelot Lessel le satisfirent pleinement sur l'identité de son jeune parent. Quant à lui, dit-il, il était un vieillard. Il n'avait pas d'enfant à qui il put laisser les vastes terres de Lislewood, et il ne demandait pas mieux que le revenu retournât entre les mains de la branche aînée. Si l'on avait retrouvé l'enfant que quelques années plus tard, ajoutait-il, le nom de Lissel aurait pu s'éteindre. Il offrit en outre de rendre tout ce qui, pendant 14 ans, avait été payé à ses banquiers. Mais Sir Rupert écrivit à son généreux cousin une très jolie lettre sous la dictée du major Barney, par laquelle il refusait positivement une semblable restitution. Les voies étaient donc préparées pour le retour du jeune homme qui avait si longtemps été injustement privé de ses droits. Les simples villageois de Lislewood se réjouirent de la restauration de leur seigneur légitime. La tendre mère pleurait de joie en rentrant dans Lislewood Park, ayant à ses côtés son fils bien-aimé. L'on sonna les cloches. Les enfants de charité sortirent encore une fois, comme ils avaient fait bien des années auparavant, à l'honneur des premières noces de Claribel Merton. Et à travers tous ces bruits, et sous le brûlant soleil de juillet, le général Monk, son cheval de bataille blanc, caracolait à la droite du prince dont il venait d'accomplir la restauration. Il va sans dire que le général Monk n'était autre que le major Barney, à l'air vigoureux et débonnaire, aux favoris et aux moustaches blondes, beau et imposant, affable et ravi. Il sauta bas de son cheval quand le cortège arriva au château et qu'il fut question d'aider le prince Rupert à descendre de voiture. Les domestiques étaient en rang, prêts à recevoir leur maître, comme ils s'exclamèrent tous quand ils virent le jeune gentilhomme introduit dans la maison par sa mère et le major. « Comme il est peu changé, disait-il, il a seulement un peu grandi, et il est peut-être embelli. » Le jeune baronnet fut un peu embarrassé de leur chaleureux accueil, et il semblait demander à son champion, le major, un peu d'aide pour se conduire dans toute cette cérémonie. Un observateur habile n'aurait pas été longtemps dans la société du jeune homme sans s'apercevoir qu'il en appelait au major en toute occasion. Il s'appuyait sur le bras du major en montrant à sa mère les peintures des corridors, le portrait de son père dans la salle à manger, la fenêtre en ogive du salon où il était si heureux de s'asseoir lorsqu'il était enfant. Il était tout naturel qu'après 14 années passées dans la société de Gilbert Arnold, Sir Rupert Little se trouva un peu embarrassé à table, qu'il se servit d'un couteau pour couper le poisson, qu'il fut un peu gêné en présence du domestique qui lui apportait de la sauce, qu'il s'étonna des coupes à champagne, qu'il voulut boire plus de vin du Rhin qu'il n'était convenable, et qu'il devint un peu animé à force de calmer sa soif. Tout ceci, bien que très pénible pour sa mère, n'était que naturel, et il était naturel aussi que le major lui murmura de temps à autre un conseil ou lui marcha sur le pied en le poussant légèrement du coude ou en fronçant les sourcils à propos de ceci ou à propos de cela. Le major et sa femme avaient été invités par Sir Robert Little et Mrs. Walsingham à passer l'automne à Littlewood Park et assister à la célébration de la majorité du baronnet qui devait avoir lieu quelques jours après son retour. Claribel avait espéré qu'après le dîner, elle serait seule avec le jeune homme et qu'il s'assoirait auprès d'elle sur le sofa. Elle s'arrêta derrière sa chaise et lui parla à voix basse lorsqu'elle sortit de la salle à manger avec Mrs. Varney. Elle le pria de ne pas rester longtemps en compagnie des verres et des bouteilles, mais de venir la rejoindre bientôt au salon. Mais, malgré sa prière, il faisait nuit avant que le major et lui eussent quitté la salle à manger, et elle vit avec horreur que le jeune homme avait beaucoup trop bu. Elle en fit la remarque au major, mais celui-ci secoua la tête en souriant et dit « Ma chère Mrs. Walsingham, notre jeune prince est un peu obstiné, assez, vous savez, pour donner idée d'une fermeté de volonté fort convenable. Il aime le Porto et le Bordeaux ne lui convient pas. Il appelle ce vin délicieux vinaigre et encre rouge. Pauvre cher enfant, c'est bien digne de l'élève de cet horrible braconnier de préférer le Porto. Sans doute il l'aimerait épais et sucré. Malheureux enfant, il nous faudra quelque temps pour le former. » Claribel soupira. « Il est bien changé, » dit-elle d'un ton pensif. « Que le ciel me pardonne, il me semble que parfois je ne le suis pas assez reconnaissante de la bienheureuse restitution qu'il m'a faite. Je sens quelquefois comme s'il manquait encore quelque chose pour que je sois tout à fait heureuse de mon fils. » « Ma chère Mrs. Walsingham, » s'empressa de dire le major, « il ne faut pas trop exiger de ce pauvre jeune homme. Donnez-lui le temps, et par-dessus tout, souvenez-vous de la société dans laquelle il a vécu pendant 14 ans. » Le matin qui suivit l'arrivée de Sir Rupert, son frère consanguin vint d'Eton rendre hommage au seigneur de Littlewood. Il y avait un étonnant contraste entre les deux frères. Le jeune Arthur Walsingham était grand, fort et élancé, il avait le teint coloré, il était presque aussi grand à 14 ans que son frère le baronnet à 21. Le major Varney était avec Sir Rupert quand le jeune Walsingham arriva. Peut-être fut-ce le major qui dicta ou suggéra ce speech affectueux avec lequel le jeune homme accueillit son frère. Arthur Walsingham traita le baronnet avec fort peu de cérémonie. La mort du capitaine avait été un coup terrible pour le jeune Arthur. La vue de la maison où lui et son père avaient été si bons amis, les plaines où il avait si souvent chevauché, tout aidait à renouveler l'amertume du chagrin du jeune homme, et il fit fort peu attention à son frère le baronnet, récemment retrouvé. « À vous dire la vérité, Martin, » dit-il au vieux serviteur de son père, « je n'aime pas beaucoup mon nouveau frère. Il est trop sous la coupe de cet homme à moustache blonde pour me plaire. J'aime qu'un individu soit son propre maître, et qu'il sache lui-même ce qu'il veut, et qu'il ne regarde pas les gens, comme pour leur demander conseil avant d'ouvrir la bouche. » Il était singulier de voir le sentiment de dégoût et d'antipathie que le jeune Arthur Walsingham semblait avoir contre le major Varney. Et quoi qu'il fît, l'officier indien ne put parvenir à se faire un ami du jeune homme. Il lui racontait les histoires de sa vie dans l'Inde, des histoires où il était question de ce père qu'il avait tant aimé. Il s'étendait sur cette amitié qui avait toujours existé entre son père et lui, comme si par là il voulait s'attirer l'affection du jeune homme. Arthur l'écoutait avec une indifférence qui différait essentiellement de ses manières habituelles. « Je ne l'aime pas, » dit-il avec colère, un jour que sa mère lui adressait des reproches à ce sujet. « Je ne l'aime pas, ma mère. Je n'aime ni sa voix douce et mielleuse, ni ses manières insinuantes, ni ses cheveux blonds. Un homme avec de telles moustaches et de tels favoris n'a jamais été qu'un hypocrite. Je ne l'aime pas. Je n'aime pas l'influence qu'il exerce sur ce pauvre frère sans cervelle. » « Arthur, Arthur !» s'écrie Claribel d'un ton de reproche. « Très chère mère, chère et bonne mère, je ne voudrais pas dire un seul mot contre votre fils aîné, mais suivez mon conseil, débarrassez-vous du major Varney. » « Me débarrasser de lui, mon cher Arthur, oublies-tu la part qu'il a prise à la découverte de mon fils, Oublies-tu que c'est par lui que nous avons appris le lâche complot tramé contre mon pauvre enfant ? Hélas, comment pourrons-nous jamais prouver suffisamment notre reconnaissance au major Barney ? Le jeune homme haussa les épaules. Eh bien, je crois que vous avez raison, ma mère. Mais si j'étais à votre place, je donnerais au major quelques milliers de livres en récompense de ses services et je le mettrais à la porte. Arthur, comment peux-tu croire qu'il consentirait à accepter de l'argent ? Pas de vous, probablement non, ma mère, et je vous dirai pourquoi. Il sait qu'il en aura le double, le triple même de Sir Rupert. Mon frère n'est qu'une marionnette entre ses mains, il saura bientôt faire jouer les ficelles. À la grande satisfaction d'Arthur Walsingham, le major Granville Barney fut obligé de quitter Lestrade Park pendant quelques jours pour une affaire très importante. Il s'était offert pour entrer en négociation avec Gilbert Arnold, pour arriver à donner à cet homme une somme d'argent pour le compte de Sir Rupert Lessel et de l'embarquer pour l'Amérique. « Il est dur, » dit le major à Sir Rupert et à Mrs. Walsingham, « de récompenser cet homme de sa trahison. Mais s'il n'a pas avoué son crime, Sir Rupert serait peut-être encore séquestré dans une chambre de Old Kent Road. Nous devons, je suppose, faire quelque chose pour lui. » Mrs. Walsingham ne s'opposa pas à ce que l'homme reçût quelques centaines de livres, mais Sir Rupert protesta. « Je hais cet homme, » dit-il, « il n'a jamais été bon pour moi, jamais il ne m'a donné aucun argent à dépenser, je ne lui donnerai pas un liard. »« Mon cher Sir Rupert, » dit le major, « souvenez-vous que nous portons un grand nom aujourd'hui, que nous ne sommes plus un jeune garçon obscur et sans position, sans un seul ami dans le monde. Nous devons prendre conseil de ceux qui sont plus âgés et plus sages que nous-mêmes, il faut payer cet homme. » Quand le major Barney disait au jeune baronnet qu'il fallait faire telle chose, il était assuré de l'obéissance immédiate de Sir Rupert. C'était bien différent avec sa mère. Quand elle essayait de persuader à son fils de faire quoi que ce fût, il s'y refusait obstinément, disant qu'il était majeur, qu'il n'avait pas besoin qu'on lui dictât ce qu'il avait à faire, qu'il n'allait pas rester attaché au tablier d'une femme. Il avait eu assez de Mrs. Arnold avec sa misérable pâleur et ses reniflements perpétuels. En conséquence, le major, nanti d'un bond de 600 livres, quitta Lisleworth Park pour accomplir sa mission diplomatique. En arrivant à Londres, il se rendit directement chez le banquier du jeune baronnet, où il changea le reçu contre une demi-douzaine de banknotes. En sortant de chez le banquier, il prit un cab et se fit conduire chez M. Joseph Slowgood, qu'il trouva assis à sa fenêtre en train de fumer sa pipe de terre. Le braconnier leva la tête et fronça les sourcils en voyant le major entrer dans le petit jardin. Il mit de suite sa pipe de côté et ouvrit la porte à son visiteur. « Eh bien, » dit-il d'un ton railleur. « Je suis certes bien fier que vous soyez revenu me voir, car je croyais vous rendre fini, puisque vous n'aviez plus besoin de moi. Mon pénétrant Arnold, vous n'avez pas tout à fait tort dans votre conclusion, » dit le major en s'asseyant sur l'appui de la fenêtre et en s'amusant à feuiller un géranium desséché. « Oh, je n'avais pas tort, n'est-ce pas ?» reprit Arnold avec un éclat sauvage dans ses yeux jaunes. « Vous n'avez plus besoin de moi, sans doute ?»« Non, » dit le major en s'arrêtant. « Non. » « Je n'ai plus besoin de vous, Dieu merci. » Gilbert Arnold serra le poing et parut vouloir tomber sur son élégant visiteur. Le major le regarda et se mit à rire, d'un rire qui fit monter le sang au visage du braconnier jusqu'à ce que ses joues devinssent violettes. Cela paraissait amuser le major de voir la colère contenue de cet homme, de même que cela lui amusait de taquiner les lions du jardin zoologique avec le bout de sa canne. « Mon bon Arnold, dit-il, vous avez parfaitement raison, vous avez été un instrument excellent. « Vous m'avez très bien servi, et je n'ai plus besoin de vous. Si j'étais moins généreux, nos relations cesseraient dès ce moment. Le petit secret que j'ai le bonheur de connaître sur votre vie passée suffirait parfaitement pour vous faire garder tout autre secret qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, me concerner. Et ici se terminerait tout rapport entre nous. Mais telle n'est pas mon intention. Quand un bon ouvrier n'a plus besoin de ses outils, généralement il les met de côté. Je vous demanderai donc, mon digne Arnold, de vous embarquer après-demain pour l'Amérique avec votre femme. Je vous remettrai une somme de 300 livres, une heure avant de mettre à la voile. 300 livres, ce n'est pas beaucoup, sur tout ce qu'il doit avoir, dit Gilbert d'un air boudeur. Sur tout ce qu'il doit avoir, demanda le major. Mais c'est, vous savez, mon estimable Arnold, je vous en prie, ôtez-vous de la tête toute idée stupide. Rappelez-vous votre confession, signée, scellée, attestée. Et maintenant sous la garde du notaire de Sir Rupert. Souvenez-vous, je vous prie de cela, et soyez reconnaissant du don, quel qu'il soit, que la générosité de Sir Rupert obtiendra pour vous. J'ai été dupe depuis le commencement jusqu'à la fin, et cela est dur, grommela le braconnier. Dur ? S'écria Varney. Mais que diable espériez-vous donc ? Je vais vous le dire, répondit Arnold. Je ne comptais pas qu'on se débarrasserait de moi avec 300 livres. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me fît quitter le pays comme un gueux. Je ne m'attendais pas à ce qu'on m'empêche d'aller droit à lui et de lui demander ce dont j'avais besoin. Le major haussa les épaules et éclata de rire. Allez donc droit à lui, dit-il en montrant la porte. Allez droit à lui. Maintenant, je ne vous en empêche pas. La route est libre pour vous comme pour moi. Allez à lui, voir ce qu'il vous donnera. Mais, mon pauvre ami, vous ne calculez donc pas ? Savez-vous bien que ce n'est que ma persuasion et mon influence qui l'ont amené à vous envoyer cette misérable somme ? Il était bien stylé, mon digne Arnold, et vous trouverez que le jeune homme sait parfaitement sa leçon. 2 jours après cette entrevue amicale, le major Varney se rendit à Liverpool par le train express, après avoir fait partir Gilbert Arnold et sa femme de grand matin par le train omnibus. Arrivé à Liverpool, le major se rendit directement à une petite auberge où il avait recommandé à Gilbert de l'attendre. Il trouva le braconnier en train de boire de la bière dans une petite salle noire qu'il n'avait vue que sur un mur. « Eh bien, dit l'officier indien, le vaisseau met à la voile dans une demi-heure, et je veux vous voir à bord. Sonnez et demandez une plume et de l'encre. » Arnold obéit, et le garçon apporta une feuille de papier et un encrier tout désemparé contenant un mélange noir, composé principalement de poussière et de mouche. Le major plongea une plume dans le mélange en question et l'attendit à Gilbert. « Faites-moi un reçu de 600 livres, dit-il. Reçu du major Varney, pour Sir Rupert Little, baronnet, la somme de 600 livres. Écrivez cela. » Le visage de Gilbert s'épanouit à ces mots du major. « Vous avez fait vos réflexions, dit-il. Alors vous allez me donner 600 livres. « Peu importe si j'ai réfléchi ou non, écrivez le reçu, nous n'avons pas de temps à perdre. » Gilbert arrondit les coudes, approcha son nez à environ 2 pouces du papier et écrivit avec quelques difficultés sous la dictée du major. Le major sonna une seconde fois et en présence du garçon, Gilbert Arnold signa son nom au bas du papier, puis le garçon apposa sa signature comme témoin. « Maintenant, appelez un cab, dit le major au garçon, et vous, Arnold, dites à votre femme que nous l'attendons. » « Elle est allée se coucher, » dit Gilbert. « Elle est fatiguée du voyage. C'est une pauvre créature pour accompagner un homme, » ajouta-t-il en quittant la salle. Une demi-heure après, le major se trouvait avec Arnold et sa femme sur le pont du navire qui devait transporter ce dernier à New York. « Vous ne m'avez pas donné les 600 livres, » dit Gilbert en prenant le major à part. « 600 livres, mon digne ami ? » s'écria l'officier en levant les yeux. « Oui, 600, 600, » dit Gilbert. « Je vous ai donné un reçu de 600 livres et vous savez bien qu'il vous les a donnés et que vous les avez dans votre poche, vous le savez bien. »« Mon bon Arnold, je ne sais rien. Si ce n'est que dans 10 minutes, vous serez en route pour l'Amérique, ce pays charmant, dont je vous conseille fortement de ne pas revenir. Je sais aussi que j'ai dans cette poche un paquet de billets de Banque d'Angleterre de 100 livres chacun, un de 50, deux de 20 et un de 10. Prenez-les ou laissez-les. » Ce sont les derniers que vous aurez, mon ami, soit du propriétaire de Lesselwood, soit du major Granville Varney. Au moment où le major tendait gracieusement un portefeuille à M. Arnold, on ordonna aux personnes qui ne partaient pas de quitter le navire. Le major regagna presque aussitôt l'échelle par laquelle les amis des passagers descendaient au steamer qui devait les ramener à Liverpool. Et quand cela sera parti, que ferai-je ? Cria Gilbert en saisissant le major par la manche de son vêtement, comme s'il voulait le retenir de force. « Ce que vous ferez, » dit-il en se retournant sur l'échelle, « vous pourrez pourrir, voler, mourir dans un hôpital ou vivre dans une prison. J'en ai fini avec vous. » En entendant ces mots, une colère d'une violence telle qu'il n'en avait jamais éprouvé de pareille remplit la poitrine d'Arnold. Il s'élança après le major. Il semblait qu'il voulait précipiter celui-ci de l'échelle où il se trouvait. Quelqu'un saisit son poing crispé et l'empêcha de tomber sur l'officier indien. « Écoutez-moi » s'écria-t-il, la tête penchée en dehors du navire et ses yeux verts fixés sur le major Varney. « Vous m'avez trompé, vous m'avez foulé aux pieds, et vous vous êtes moqué de moi depuis le commencement jusqu'à la fin. Faites attention à vous, voilà tout. Si jamais je reviens d'Amérique, tant pis pour vous. Si jamais je suis pendu, je le serai pour vous avoir tué. Ainsi donc, faites attention, voilà tout. »